Le rapport de synthèse des états généraux de la bioéthique a été remis en début de semaine au Parlement. Quelles en sont les recommandations? Sur quel sujet insiste-t-il? Et comment se profile la future loi de révision de la bioéthique? Pendant ce temps, les chercheurs avancent sur l'arlésienne de la maîtrise de la fécondité. La pilule masculine finira-t-elle par voir le jour? Des progrès substantiels ont été réalisés. Enfin, plus grand, moins poilu, un doigt de pied en moins et des yeux immenses, c'est ce que nous promet l'évolution de l'espèce humaine à long terme. Mais l'influence que nous exerçons sur la planète finira-t-elle par rejaillir sur notre espèce? Bioéthique, pilule masculine et évolution, ce sont quelques-uns des sujets que nous allons développer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et eux sont déjà l'étape suivante de l'évolution humaine, sélectionnée pour traiter de la façon la plus efficace l'actualité scientifique, la plus complexe. Caroline Tour, bonjour. Bonjour. Chef du pôle santé de notre partenaire chéri, le magazine Science et Vie. Bonjour Mathias Germain. Bonjour à tous. Du magazine La Recherche. Et bonjour François Morel. Bonjour. De la chaîne YouTube Premium Non Nocéré et ami des homéopathes. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour. On est tous un peu amis des homéopathes. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Mais comme tous les vendredis, on commence par celle qui imprime une invraisemblable pression de sélection sur l'actualité scientifique la plus brûlante pour n'en retenir que le meilleur. C'est Zoé Sfez pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et on ouvre ce Journal des Sciences sur cette vaste étude américaine présentée le week-end dernier à l'ASCO, le congrès mondial sur le cancer qui se déroule à Chicago. Étude qui confirme l'intérêt d'un test dit de signature génomique, l'oncotype DX, dans le cancer du sein. Son utilisation systématique permettrait d'éviter la chimiothérapie dans 70% des cas. Et les résultats de cette étude, lancée il y a plus de 10 ans maintenant, étaient extrêmement attendus, aussi bien outre-Atlantique qu'en France. En effet, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec en France 50 000 nouveaux cas par an. Et depuis les années 80-90, pour réduire le risque de récidive et de mortalité, beaucoup de patientes se voient proposer une chimiothérapie adjuvante juste après la chirurgie, aux effets secondaires extrêmement forts et parfois létaux, il faut le rappeler, et ce alors qu'une partie n'en a peut-être pas besoin. Pour identifier ces patientes-là, celles qui n'en ont pas besoin, une technique a été développée aux États-Unis, une technique de test dit donc de signature génomique, et le plus utilisé d'ores et déjà dans le pays, il s'appelle Oncotype DX. Il permet d'analyser l'expression d'un panel de 21 gènes à partir d'un échantillon tumoral, donc d'une biopsie de la tumeur, et d'attribuer un score à cette tumeur. L'étude qui a été présentée ce week-end, baptisée Trail X, a été menée sur 10 000 femmes âgées de 18 à 75 ans atteintes d'une des formes de cancer les plus communes, c'est-à-dire HER négatif et sensible aux œstrogènes, à un stade précoce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ganglions encore touchés, et elle les a suivies pendant 9 ans. Cette étude conclut que les deux tiers d'entre elles n'ont pas besoin de chimiothérapie. C'est ce qu'explique Daniel Hayes. Il est oncologue et responsable du programme de lutte contre le cancer du sein à l'Université de Michigan. Il est l'un des très nombreux co-auteurs de cette étude. You get a recurrence score that could be anywhere from zero, which is very low and very good. Oncotype DX nous permet d'obtenir un score qui va de 0, ce qui est très bon pour la patiente, jusqu'à 100. Assez vite, plusieurs études ont permis d'identifier deux groupes distincts. Ceux des femmes dont le score est bas, c'est-à-dire inférieur à 18, dont on est certain que la chimiothérapie ne leur apporte rien, et le groupe des femmes avec un score haut, 31 et plus, où les études ont prouvé que la chimiothérapie est nécessaire pour éviter une récidive. Mais cela nous laisse un vaste groupe, celui des femmes qui obtiennent un score intermédiaire entre 18 et 31, que nous préférions surtraiter en leur donnant une chimio. Mais nous ne savions pas si elles en avaient vraiment besoin. Or, la chimio est très toxique. En 2005, nous avons donc lancé cette grande étude randomisée avec plusieurs milliers de patientes. Les résultats que nous publions cette semaine montrent que vraisemblablement, si votre score est inférieur à 25, vous n'avez probablement pas besoin de chimiothérapie. C'est particulièrement vrai si vous êtes déjà ménopausée. We feel that what we've really done is just raised the recurrence score cutoff. Ce que nous avons fait avec cette étude, c'est que nous avons finalement prouvé qu'il convient de relever ce qu'on considère comme un score bas. Il passe de 18 à 25, et cela correspond en réalité à un nombre assez substantiel de femmes dont nous ne savions pas s'il fallait ou non leur donner une chimio. Aujourd'hui, nous pouvons leur dire que la chimio et sa toxicité n'est pas utile pour elles. Il y a néanmoins quelques exceptions qui apparaissent. Il semblerait en effet que pour les femmes plus jeunes ou en préménopause, le score bas doit être établi plutôt à 22, 23 qu'à 25. La limite entre le score où la chimio n'est pas nécessaire et celui où elle l'est semble intervenir plus tôt pour ce groupe de femmes. Et cette étude confirme donc l'utilité de ce test qui est déjà utilisé depuis de nombreuses années aux États-Unis et elle va sans doute permettre de l'introduire plus massivement en France où certains oncologues tentent de minimiser la portée de cet article, Zoé. Oui, alors pour comprendre ça, il faut comprendre qu'en fait la France ne s'est pas spécialement intéressée à ce type de test, donc de signature génomique. Elle a plutôt travaillé, et d'ailleurs avec pas mal de succès, sur plutôt des biomarqueurs uniques ou parfois combinés pour tenter d'évaluer l'utilité de la chimio et éviter donc d'y recourir. Il y a véritablement depuis plusieurs années en France, ce qu'on appelle une désescalade. Néanmoins, l'Oncotype Test fait l'objet d'un test en France depuis 2016 pour voir s'il convient ou non de généraliser son utilisation. Daniel Zarka est chirurgien cancérologue, cofondateur de l'Institut français du sein. Il espère que les résultats de cette étude, qui est, on peut le dire, méthodologiquement assez imparable, permettra de lever les dernières défiances en France à son égard. Pour l'Europe et en particulier pour la France, les gens ne voulaient pas ou ne pouvaient pas se contenter des essais qui avaient été réalisés précédemment. Et donc, ils attendaient vraiment d'avoir cette étude randomisée avec plusieurs dizaines de milliers de patients pour pouvoir se prononcer. Alors, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est une très grande hétérogénéité aujourd'hui des pratiques. Et il y avait un article dans le bulletin du cancer qui montrait que pour un certain nombre de cas en France, les décisions de chimiothérapie étaient très très diverses. Alors, il y en a qui vont utiliser un marqueur qu'on appelle le KI-67, ils vont associer avec le taux de récepteur. Chacun va faire sa sauce. Ce ne sont pas des facteurs randomisés qui n'ont pas fait l'objet d'essais. Il va se passer avec le test qui est adopté et qu'il n'y a plus de discussion dans la mesure où on va juste regarder le résultat du test. Et ce résultat du test, compte tenu du design de l'essai, va nous donner la réponse sur l'intérêt d'une chimiothérapie. Et ce qu'on attend, nous, c'est d'avoir un remboursement du test par la Sécurité sociale. Il y avait une étude médico-économique qui prouvait que ces tests étaient cost-saving, c'est-à-dire qu'ils avaient économisé de l'argent. Le test coûte aux alentours de 1 850 €, mais la chimiothérapie coûte cher en direct. Et en indirect, tous les coûts sociaux, les arrêts de travail, les transports, et puis il y a les morbidités de la chimiothérapie. Si on regarde juste l'aspect médico-économique, c'est un test très intéressant pour la sécurité sociale. En bref, toujours au Congrès mondial sur le cancer à Chicago, une nouvelle étude confirme la supériorité de l'immunothérapie sur la chimiothérapie dans le cancer du poumon. La plupart des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avancées, la forme la plus fréquente de cancer du poumon, pourront éviter une chimiothérapie au profit d'une immunothérapie avec le pembrolizumab, qui est commercialisé notamment par Keytruda ou les laboratoires Merck, un médicament qui s'administre par voie intraveineuse toutes les 3 semaines et déjà utilisé dans d'autres formes de cancer de la peau. Cette étude confirme un virage important déjà amorcé par plusieurs études dans le traitement de ce cancer du poumon. Puisqu'ici dans cette étude, les patients traités par immunothérapie ont non seulement vécu plus longtemps, 4 à 8 mois de plus que celle du groupe chimio, mais ces patients ont aussi été moins nombreux à présenter des effets secondaires graves, 18% contre 41%. La police américaine résout une enquête grâce à une base de données génétiques et généalogiques privées. Après 40 ans d'enquête, la police américaine a arrêté un homme qui est soupçonné d'être le tueur du Golden State, auteur de 12 meurtres, 50 viols, une centaine de vols aux États-Unis. Eh bien, pour l'identifier, la police a eu recours à GenMatch, un site internet privé qui compare l'ADN d'un échantillon à une base de données génétiques mise en ligne par des personnes qui se sont inscrites parce qu'elles veulent reconstruire leur arbre généalogique. Eh bien, la police l'a fait en créant un faux compte pour le compte du tueur. Elle a identifié sa famille et a donc pu le retrouver. C'est la première fois que la police américaine utilise des bases de données ADN non obtenues à partir de ressources médico-légales. Les membres du département de bioéthique du National Institute of Health ont publié cette semaine un avis appelant à répondre aux questions juridiques et de confidentialité qui sont soulevées par cette nouvelle pratique. Deuxième sujet de la semaine de ce journal des sciences, la NASA a annoncé hier, lors d'une conférence de presse très attendue, que le rover Curiosity a découvert du méthane et des matières organiques sur Mars. Et oui, dans cette conférence orchestrée avec beaucoup de suspense, comme toujours, la NASA a attiré l'attention sur 2 articles qui paraissent aujourd'hui dans la revue Science, tous deux basés sur les résultats de SAM, cet instrument embarqué sur le rover Curiosity, qui est sur Mars depuis 2012. SAM a identifié dans des échantillons prélevés sur 2 sites distincts du cratère Gale la présence présence de plusieurs molécules organiques de substances volatiles qui rappellent les roches sédimentaires qu'on a trouvées sur Terre. L'autre information, c'est que ça me confirme la présence de méthane atmosphérique sur Mars. François Forget est planétologue, chercheur au CNRS. Lui a demandé si ces annonces étaient si surprenantes et game changer, comme dit la NASA. Il m'a répondu ce que vous allez entendre. Alors oui et non. Pas tout à fait, parce que pour la découverte des molécules organiques, on s'y attendait un peu. Il y avait eu des premiers résultats obtenus par la même équipe, d'ailleurs à l'époque publiés avec en meneur de l'équipe une Française qui s'appelle Caroline Fraissinet, qui travaille au Latmos dans la région parisienne, et donc qui avait déjà annoncé la découverte de premières molécules organiques dans le même genre de roche. Mais cette fois-ci, c'est vrai que d'abord ça a été annoncé avec la force médiatique de la NASA, et puis c'est une très très belle découverte de molécules assez complexes, et surtout bien préservées dans ces roches. On pense notamment grâce à la présence de soufre. Et pour ce qui concerne le méthane, là aussi, c'est la suite d'une longue enquête que mène l'équipe du rover Curiosity, qui avait déjà découvert en général un espèce de fond, si vous voulez, une très très faible valeur, en dessous d'une partie par milliard de molécules de méthane dans l'atmosphère de Mars. Donc c'est très très peu. Et ce que annonce cette découverte, c'est que ce petit bruit de fond a une variation saisonnière qui se répète chaque année et qui est assez étonnante et j'avoue qu'elle est un peu mystérieuse. Dans les deux cas, ça nous dit qu'il y a certainement des restes, certaines chimies, des molécules organiques sur cette planète, ce qui est une bonne chose, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, on ne le savait pas. Ça renforce la motivation pour aller chercher, par exemple, un peu plus profond en faisant un forage des restes de molécules organiques, qui peuvent être des molécules fossiles d'une ancienne vie. C'est notamment l'objectif de la mission du rover ExoMars 2020 de l'Agence spatiale européenne. Je peux vous dire que j'étais hier avec le responsable scientifique de la mission, il était très content, c'est extrêmement motivant de se dire que Curiosity a déjà réussi à trouver des choses et sûrement ExoMars pourra faire mieux. En bref, le Muséum National d'Histoire Naturelle met en ligne aujourd'hui son portail de sciences participatives pour la biodiversité, portail baptisé Open. Avec pour objectif de connecter, je cite, les observateurs bénévoles désireux de s'investir dans la préservation de la biodiversité aux observatoires de sciences participatives et ils sont nombreux en France sur ce portail. Donc vous vous connectez, vous indiquez votre région, vos priorités, le changement climatique, les espèces en danger, les espèces envahissantes et votre niveau de connaissance. Puis Open vous sélectionne les programmes qui peuvent vous intéresser et sur lesquels vous allez être sollicité. Et bien, à vos claviers. Voilà, amis. On vous met évidemment les liens sur le fil Twitter de l'émission, sur le compte de la méthode FC. Pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, une chercheuse française et ses collègues australiens ont réussi à démontrer que les abeilles sont capables de compter, en tout cas de comprendre la notion de zéro. La notion de rien, et oui, alors on sait que le chemin a été très long pour nous, les hommes, pour qu'on on intègre ce concept de zéro. D'ailleurs, les enfants ont toujours du mal à comprendre que l'absence ou le rien a une place dans le continuum numérique, c'est pas du tout évident. D'autres espèces y arrivent, hein, les macaques rhésus. Alors, est-ce que les insectes le peuvent ? Eh bien, cette étude nous explique que oui. Pour essayer de le comprendre, en tout cas de le prouver, ces chercheurs, ils ont appris aux abeilles à venir boire de l'eau sucrée sur un dispositif expérimental qui associe une plateforme à une image. En choisissant celles qui comportent le moins d'éléments, les insectes sont récompensés par de l'eau sucrée. Les mauvaises réponses les confrontent à une solution amère qui n'est pas très très agréable pour les abeilles. Et ensuite, les chercheurs leur ont proposé une image totalement vide, une autre avec plusieurs points. En choisissant l'image vide, je cite, comme étant celle qui comporte le moins d'éléments, les abeilles ont montré qu'elles étaient capables d'extrapoler en considérant que le 0 est inférieur à 5, 4, 3, 2 ou 1. Voilà, alors une information qui est sympathique et qui est d'autant plus étrange et triste que l'Union nationale de l'apiculture française organisait hier un rassemblement sur l'esplanade des Invalides, en s'alarmant sur une année record pour la mortalité des abeilles. On sait qu'aujourd'hui, 20 000 colonies d'abeilles, par exemple, sont mortes dans la région de Bretagne. C'est Waterloo, c'est morne plaine, c'est zéro, nous disaient hier les apiculteurs. Merci beaucoup Zoé Sves. Peut-être un petit tour, on a un petit débat, les micros étant fermés tout à l'heure, autour de cette question et de cette étude qui a fait effectivement beaucoup de bruit autour de l'oncotype DX et du cancer du sein. François, vous vouliez réagir ? Ah, mais c'est très bien que ça arrive, puisque l'attitude actuelle, c'est plutôt la désescalade thérapeutique, et c'est une très bonne chose, puisqu'on a de meilleures connaissances du fonctionnement global du cancer. C'est ce qu'on fait, par exemple, vous parlez des cancers du poumon non à petites cellules. Bah, par exemple, le cancer du poumon non à petites cellules, on sait que sur certains marqueurs, par exemple, chez des gens qui sont non-fumeurs, des femmes asiatiques, il y a certains marqueurs, et c'est vrai, hein, certains marqueurs qui montrent que certaines chimiothérapies, enfin plus exactement certaines immunothérapies, vont marcher mieux que certaines chimiothérapies. Et donc, tout ça, ça va dans le même sens. Et c'est quelque chose de très bien. Effectivement, le cas des marqueurs tumoraux, que ce soit le KI67, le LHER, les marqueurs oestrogéniques. On parlait d'Anel Varka et qui sont utilisés en France aujourd'hui. Qui sont utilisés et qui sont des marqueurs de mauvais pronostic, mais qu'effectivement, chaque équipe a un peu ses habitudes par rapport à ça. Et c'est bien que ça soit un peu plus, protocoliser et surtout démontrer sur la désescalade et qu'est-ce qu'on peut faire dans la désescalade, qui est toujours un petit peu inconfortable, surtout quand on parle de cancer. Caroline. Oui, non, c'est aussi un point qui a été souligné dans l'interview que vous nous avez fait écouter, c'est que c'est aussi une histoire de business, mais aussi dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les tests, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, il y a une course, clairement, entre différents labos. Parce qu'il faut rappeler, évidemment, que Oncotype, c'est le plus utilisé, c'est celui qui a été utilisé dans cette équipe, c'est aussi une partie des critiques. Il en existe déjà d'autres aux États-Unis. En Europe, malheureusement, on n'en a pas encore beaucoup développé, on a pris quand même un certain retard en la matière. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Il y a vraiment une concurrence, donc ces résultats sont importants, mais il y a clairement d'autres choses qui se font ailleurs et qui sont pas moins bonnes, hein, pas forcément moins bonnes. Mais on peut voir l'évolution justement par rapport à l'idée du système de santé. Je pense que l'importance du système de santé pour développer ce genre d'outils est extrêmement importante, puisque le système de santé américain joue beaucoup sur le risque, alors qu'on n'est pas du tout dans le même paradigme dans les systèmes européens, puisqu'il est plus basé sur la solidarité, alors qu'aux États-Unis c'est plutôt il faut essayer de limiter au maximum les dépenses. Donc ça explique aussi beaucoup de choses dans le développement. Mathias, oui, un petit mot pour dire juste que ce type de test et aussi les performances en termes de séquençage des tumeurs, une meilleure connaissance finalement des tumeurs permet une désescalade, mais permet aussi d'appliquer des thérapies ciblées, des choses encore plus spécifiques, plus efficaces. Je crois qu'à l'ASCO 2018 aussi, une étude américaine sur une assez grande cohorte qui montrait sur des cancers plutôt dits entre guillemets incurables que ce type de technique avait un véritable effet. Je crois que ça a amélioré la survie, selon l'étude, à peu près, il y avait 15% qui arrivaient jusqu'à 3 ans de survie et 6% jusqu'à 10 ans de survie, ce qui est quand même une assez bonne nouvelle, quoi. Et pour finir là-dessus, effectivement, l'intérêt de ce test, c'est que majoritairement, il permet d'éviter la chimiothérapie à des femmes à qui on en aurait donné. Mais en fait, il y a une deuxième suite de cette énorme étude qui va être, pour le coup, là, sur des femmes qui ont développé, qui ont une présence de tumeurs dans les ganglions, ce qui n'est pas le cas de ces femmes-là. Et là, pour le coup, l'intérêt, c'est non seulement d'éviter des chimios à celles qui n'en ont pas besoin, mais peut-être d'en mettre à des femmes dont on considérait jusqu'ici qu'elles n'en avaient pas besoin, alors que peut-être il s'avère que oui. Donc effectivement, c'est d'aller vers une plus grande précision, définir un vrai profil la tumeur. Si je peux te donner un dernier mot, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le paradigme dans le cancer, il a vraiment changé depuis 10 ans, depuis qu'on arrive à faire du séquençage de tumeurs à haute fréquence, des choses comme ça. Globalement, l'idée générale, c'est de transformer une tumeur, enfin quelque chose d'incurable, ce qu'on disait, une maladie incurable, en une maladie chronique le plus longtemps possible. Et ça, c'est un changement de paradigme, justement, du fait des meilleures connaissances et surtout des changements des thérapeutiques. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Et à 16h18, notre premier dossier cette semaine est un gros dossier, un dossier de 196 pages précisément, qui a été remis lundi à Gérard Longuet, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Synthèse de plus de 4 mois de discussion et de débat organisés aux quatre coins du pays par les agences régionales de santé. La synthèse donc des états généraux de la bioéthique. Elle était très attendue sur un certain nombre de questions sensibles comme la fin de vie, la procréation médicalement assistée, la congélation des ovocytes, la recherche d'embryon. Bref, vous les avez lus, ces 196 pages, François Morel. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'il en ressort selon vous? Alors déjà, je vais remettre juste un peu de contexte, effectivement. Les lois de bioéthique, elles doivent être évaluées régulièrement et depuis quelques années, c'est le Conseil consultatif national d'éthique qui se charge de la coordination de la réforme de ces lois. Globalement, elles doivent intervenir tous les 5 ans, la dernière ayant eu lieu en 2013, et il est normal que là, en 2018, nous ayons des nouveaux états généraux pour évaluer les besoins et les interrogations de la société sur qu'est-ce que par rapport aux lois de bioéthique. Il y avait 7 thèmes scientifiques purs qui ont été abordés pendant ces états généraux et 2 thèmes un petit peu plus sociétaux. Donc dans les 7 thèmes scientifiques, c'est la recherche sur l'embryon, les examens génétiques et la médecine génomique, le don d'organes et la transplantation, les neurosciences, les données de santé, l'intelligence artificielle et la robotisation, et la santé et l'environnement. Et les 2 sociétaux qui vont probablement poser le plus de questions, c'est la procréation médicalement assistée ainsi que la fin de vie. L'organisation, comme vous le disiez, effectivement, c'est des rencontres citoyennes, que ce soit de professionnels, d'associations, de professionnels, de sociétés savantes ou de monsieur tout le monde, de citoyens non experts, pour discuter autour de ces sujets, que ce soit dans la vie réelle ou sur Internet. On estime évaluer 271 événements dans la France depuis 4 mois, entre janvier et avril, soit 21 000 participants en live, sur le site 29 000 participants, 65 000 contributions. Voilà, ça fait bouger beaucoup de monde, et 400 organisations de professionnels de santé, d'associations d'associations de patients, de sociétés savantes, de choses comme ça. Donc le rapport, il était remis effectivement à la OPECST, hein, donc l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour orienter la recherche et tout ça, a été remis au ministre de la Santé, de la Recherche et de la Justice. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? Qu'est-ce qu'il en ressort ? Parce qu'effectivement, vous le dites, il y a bien et on va voir, est-ce que le débat n'a pas été un peu occulté justement par ces deux thèmes qui étaient des thèmes de société qui sont assez concernants et qui ont été d'ailleurs ajoutés parfois un peu de manière contestée à cette ces états généraux. Il y a des sujets clivants très clairement, ça y a pas se mentir, et des sujets qui ne montrent pas énormément d'intérêt. Typiquement, le sujet sur les neurosciences, qui est un vaste domaine qui englobe la neurologie, la psychiatrie, la psychologie, la neurochirurgie. Le constat est assez neutre sur la société en général. Voilà, la recherche avance, mais ça ne pose pas de réelles questions sociétales. Sur le don et la transplantation, pareil, pas de remise en question de la gratuité du don, de la non-patrimonialité du corps humain, du fait que le don doit rester anonyme, même si des questions se posent sur la possibilité d'obtenir des informations sur le donneur. Mais il y a surtout des questions sur le consentement, par exemple. Mmh. C'est tous les sujets vraiment éthiques qui posent le plus de questions, c'est-à-dire voilà, le consentement. Faut-il avoir un consentement explicite, par exemple sur la carte vitale, ou alors faut-il rester sur la suspicion, le consentement présumé du patient, comme c'est à l'heure actuelle. C'est le cas aujourd'hui. Hein. C'est à l'heure actuelle, avec juste la consultation des familles, ce qui met un poids sur la famille qu'on pourrait peut-être relever en sortant en plus du registre de refus, du registre de consentement qu'on pourrait mettre sur la carte vitale. Ce qui ressort principalement, c'est un problème d'information sur pas mal de sujets. Il y a beaucoup de sujets qui nécessitent plus d'informations. Alors, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre, je vais me perdre dans mes explications. Alors, pour ce qui est de la recherche sur l'embryon, c'est un sujet qui divise encore beaucoup. Il y a toujours une certaine frange de la population qui s'exprime une opposition de principe sur la recherche sur l'embryon, que ce soit sur des embryons issus de la fécondation in vitro et des embryons surnuméraires qui sont destinés à être détruits. Ce qui est aujourd'hui le cas légal en France, c'est-à-dire que les seuls qu'on peut avoir en France, ce sont sur des embryons surnuméraires. Ou alors des lignées d'embryons qui existent depuis 20 ans, comme les cellules se reproduisent à l'infini, on a des lignées depuis 20 ans qu'on utilise toujours. La question qui se pose, c'est l'utilisation possible de cellules de sang du cordon, qui sont des cellules qui sont pas aussi pluripotentes, qui sont déjà un peu spécialisées. Pas aussi souches que les cellules embryonnaires, mais qui viennent du sang du cordon des bébés, ou alors la redifférenciation de cellules déjà existantes chez des adultes, donc en fait de la transformation de cellules différenciées en cellules indifférenciées pour pouvoir faire de la recherche dessus. Et globalement, il y a toujours ceux qui s'opposent directement à la recherche sur l'embryon et d'autres qui disent faudrait faire des recherches, mais si c'est sur l'embryon, il faut cadrer très fortement, ou alors favoriser l'utilisation d'autres cellules comme les cellules de sang de cordon ou les cellules redifférenciées, en allégeant peut-être un petit peu la législation, et sachant que les craintes principales, c'est des craintes de dérive, par exemple sur le clonage ou le transhumanisme. Pour ce qui est des examens génétiques, c'est pareil, il y a un grand problème de communication, un grand problème d'information du public. Qu'est-ce que c'est qu'un examen génétique ? La différence entre un examen génétique chez un adulte ou un diagnostic préimplantaire ou prénatal, ça pose encore pas mal de questions, ce qui ne sont pas du tout la même chose, hein. On diagnostic des maladies chez quelqu'un d'adulte. On en parlait tout à l'heure pour le cancer, par exemple. Par exemple, ou alors est-ce qu'on fait un diagnostic sur justement une procréation programmée in vitro et on teste l'embryo pour être sûr qu'il ne présente pas de pathologie. Et donc, une grande ambivalence par rapport au risque d'eugénisme d'un côté et au risque aussi en mise en balance avec la diminution des souffrances des gens sur la possibilité de faire ces diagnostics, avec par contre un refus complet de l'utilisation de techniques de correction génomique directement in vitro, typiquement CRISPR-Cas9, qui est globalement peu évoqué ou alors rejeté globalement par la population quand il est évoqué. Ça c'est sur les examens génétiques. Quid des sujets qui fâchent ? Sujets qui fâchent directement. J'essaie de faire un petit rapport de tout le rapport. Allez-y, je vous interromps, continuons. Les données de la santé, qui sont justement un élément important, puisque ça pose la question du big data et des informations sur les données des patients, c'est-à-dire la société comprend l'intérêt de ce big data pour l'évolution de la science et l'évolution de la recherche, ce qui prouve par exemple que les recherches sur 10 000 personnes sur des tests génétiques permettraient justement de comprendre mieux certains phénomènes. Mais il y a en même temps, pareil, une très grande ambivalence sur le risque de dérive, d'utilisation, disons, malveillante de ces informations, que ce soit par des banques, des assurances, des employeurs, des choses comme ça, si ça venait à fuiter. Comment on sécurise ces informations ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut informer le public sur ce que sont ces outils, une nécessité d'informer le public sur ce que sont ces outils, sur à quoi ils servent, sur les craintes, justement, d'une perte d'humanité du soin en général, puisque les gens perdraient ce rapport à l'humain, puisqu'on se concentrait uniquement sur les chiffres, le big data, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, toujours cette idée de il y a des choses, mais il va falloir faire attention à ne pas que ça dérive. L'intelligence artificielle et la robotique, pareil, hein, les gens considèrent que c'est une avancée, ça fait déjà des avancées, ça fera des avancées dans le futur, mais ça pose par exemple des problèmes de qu'est-ce qu'on fait des données qu'on collecte pendant ces interventions, qui est responsable s'il y a une erreur de la robotisation et de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il ne va pas y avoir une déshumanisation de la médecine? Alors on en parle, ça peut régler des problèmes, comme par exemple dans les déserts médicaux, mais il ne faudrait pas que ce soit la solution. Je cite textuellement le rapport, les intervenants souhaitent que ce ne soit pas la solution. En santé et en environnement, qui disent que bon voilà, il faut on continue à mettre la santé à l'intérieur de l'importance des risques environnementaux et leur lien avec la santé, et ainsi que le rappel du soutien de la société sur la recherche publique pour expliquer ces phénomènes, et surtout de l'importance de la transparence et de l'indépendance des chercheurs par rapport à l'industrie et au monde économique. Donc maintenant, on va rentrer sur les deux sujets principaux. Sur les fameux, les sujets qui passent. La procréation. Alors, sur les principes de base. La PMA. La procréation médicalement assistée. Sur les principes de base, que ce soit gratuité du don, non commercialisation du corps humain, l'importance de la structure familiale, la réalité du désir d'enfant, la reconnaissance de la diversité des structures familiales qui sont diverses à l'heure actuelle, et la conscience de la responsabilité parentale. Il y a un consensus global de la société disant que voilà, c'est comme ça et ça ne doit pas changer. Par contre, sur les autres sujets, c'est moins le cas. L'ouverture aux couples de femmes ou aux femmes seules de la procréation, globalement, il y a ceux qui sont pour d'un principe sur l'égalité des droits, les couples mariés ont le droit, ouvrons ce droit pour une simple égalité de droits, et ceux qui s'opposent formellement pour des histoires de droits de l'enfant, principalement sur l'histoire il faut avoir un père, c'est l'un des arguments qui revient le plus souvent, et aussi un argument qui est plus, disons, médical, limiter la médecine à sa mission de soins, c'est-à-dire au traitement des gens qui ont une pathologie. Argument qui peut être discuté sur plein de sujets, qui est assez complexe, mais voilà, c'est principalement, il y a encore une très grande dichotomie dans la société sur l'ouverture. Et même au sein des gens qui sont pour l'ouverture de la procréation aux couples de femmes, il y a quand même une réserve sur l'ouverture aux femmes seules, du fait surtout d'une possibilité de vulnérabilité pour l'enfant et pour la maman, d'un point de vue sociétal, social, économique et psychologique. Voilà, ça c'est des histoires de... des histoires de discussion qu'il faudra ouvrir. Pour ce qui est de la grossesse pour autrui, la gestation pour autrui, il y a un rejet massif de la consultation citoyenne et des états généraux, avec même la possibilité d'avoir recours dans des cas exceptionnels a été soulevée, mais absolument aucun consensus n'a été trouvé dans les différentes consultations. Il en ressort surtout la nécessité d'une organisation, d'une réflexion collective relativement sereine au sein de la société. Et ensuite, il y a des sujets attachés pour ce qui est de la filiation, la reconnaissance de filiation, par exemple pour les de femmes, une femme qui accouche au sein d'un couple marié, la compagne doit absolument adopter l'enfant qui est né, et ça ne se fait pas de manière automatique, peut-être une évolution de la législation là-dessus, ou alors un état civil français pour les enfants nés de GPA venant de pays étrangers. Il y a une demande de la société sur ces sujets. Sur la transcription des états civils, qui est toujours assez compliqué. Oui, un mot peut-être sur la congélation des ovocytes. Justement, j'en venais. Le sujet n'est pas du tout abordé par le public. Par contre, c'est quelque chose que les professionnels de santé sont relativement favorables, surtout dans une cadre d'une pratique encadrée. Par exemple, en congeler des ovocytes dans le cadre du don d'ovocytes, en favorisant et en développant et en valorisant le don d'ovocytes, qui est un vrai problème à l'heure actuelle, et surtout de mettre en garde les femmes, surtout les femmes jeunes, sur la fertilité et surtout l'évolution de la fertilité et les problèmes d'infertilité liés à l'âge, qui sont un problème quasiment de santé publique, selon les termes du rapport. Et sur la vitrification de ses propres ovocytes. Exactement, la congélation de ses propres ovocytes pour une période future, mais dans le cadre d'un don, par exemple. On donne un don, mais en même temps, on congèle une partie des ovocytes pour plus tard, pour des gens, des femmes qui souhaitent avoir une vie active pour le moment et qui ne souhaitent pas se priver d'un problème de grossesse à terme. Et l'autre grand sujet qui d'ailleurs doit donner lieu à une loi à part, hein, qui ne sera pas dans au sein de la future loi bioéthique, puisque c'est la loi Leonetti. Mm-hmm. Je crois qu'elle ne. Je n'ai pas exploré trop cette. Que dit la synthèse de ces états généraux alors, autour de la le fin le constat vie est partagé par l'ensemble du public et il n'est pas très reluisant. On meurt mal en France. Je vous cite la phrase du rapport entre guillemets. On meurt mal en France et de nombreux progrès devaient être faits, surtout pour accéder à une réelle égalité territoriale, surtout au niveau des soins palliatifs et des structures de fin de vie, avec une situation qui est parfois jugée indigne et insupportable, ce qui pose la question donc d'un droit et d'une aide à mourir. Et il faut donc un développement, un élargissement des missions de soins palliatifs, en tout cas c'est ce qui est demandé, par exemple aux maladies incurables ou graves, et non pas seulement à la fin de vie et aux maladies terminales, au stade terminal. Tout le monde se rejoint sur la nécessité d'allouer des fonds nécessaires au développement de ces structures de soins palliatifs. Mais il n'y a pas de consensus, par exemple, sur ce qui est du suicide assisté ou de l'euthanasie pour le public. C'est pas la même chose, hein, parce que l'euthanasie active, c'est quand un médecin fait l'acte de d'administrer une dose létale de produit, alors que c'est une personne qui prend la décision de mettre fin à ses jours parce que sa situation à l'heure actuelle est insupportable. On lui donne les moyens d'ouvrir la vanne de la perfusion. Alors, d'un point de vue public, le consensus n'est pas du tout tranché par rapport sur ces questions. D'un point de vue professionnel et des sociétés savantes, il y a une opposition de principe sur ces questions. Je n'ai pas de position à donner par rapport à ça. J'en suis relativement surpris, pour être tout à fait honnête. Mais vous rappelez que vous êtes praticien vous-même. Tout à fait. Et ayant traité pas mal de patients atteints de cancer, certaines situations sont inextricables et on se retrouve très rapidement à court de solutions avec des patients qui ont des demandes qu'on ne peut absolument pas, auxquelles on ne peut pas répondre et qui sont extrêmement dérangeantes pour tout le monde, hein, pour soit pour les équipes, pour les patients. On ne peut pas répondre à leurs demandes et c'est extrêmement perturbant. Mmh. Et il y a même des dissensions autour des cas exceptionnels. Pour l'aide active à mourir. Pour certains, le suicide est une liberté légitime. Pour d'autres, il s'agit de faire supporter collectivement une décision personnelle. Donc voilà, tous ces sujets sont encore très ambivalents dans la société. La prochaine étape, hein, c'est au mois de septembre. Et puis la loi, il va y avoir une proposition de loi de la part du gouvernement qui sera examinée, je crois, en début d'année prochaine. Un mot, si vous faites une tête, Caroline. Ben oui, c'est long de réviser les lois de la bioéthique. Oui, c'est toujours, je suis toujours mitigée pour ces sujets-là en tant que journaliste. Hein. En tant que citoyenne, j'ai mon point de vue, mais ça me concerne. Sûr. En tant que journaliste, je trouve que ça ressemble aussi parfois à un grand fourre-tout avec des données qui sont en effet parcellaires dans le grand public, des niveaux d'avancement de l'application, des techniques dont on parle qui sont très différentes aussi. Tout se retrouve à être traité en même temps dans un grand sac. Je ne sais pas trop si ces grands messes de bioéthique sont une façon de faire qui est si efficace. Il y a d'autres façons de faire dans les pays anglo-saxons pour parler de bioéthique. Est-ce qu'il faudrait revoir une autre façon de faire? Parce que par exemple dans les pays anglo-saxons, comment? Eh ben, il peut y avoir des groupes beaucoup plus resserrés sur des sujets beaucoup plus ciblés. Il n'y a pas le système de la grand-messe des états généraux de bioéthique. C'est ça que je questionne. Voilà. Bon. Mathias ? Oui, je suis un peu d'accord. C'est vrai que l'ampleur des sujets était vraiment très très très large. L'organisation était nouvelle pour cette révision, mais j'ai l'impression que ça a été un petit peu, oui, ça partait dans tous les sens. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec Caroline, le grand public n'a pas tous les outils, toutes les informations. Moi-même, en tant que journaliste, il y a des sujets qui m'échappent totalement. Et puis en plus, je crois que là, ce premier rapport, il va y avoir d'autres rapports. Il me semble que le CCNE, le Conseil consultatif, lui aussi, il va remettre un rapport. Enfin, je pense qu'il va y avoir une succession, une pile de rapports qui vont arriver auprès des parlementaires. C'est prise de température de la société sur ces questions. Sur le modus operandi, ça a été effectivement relativement contesté. On a pu lire, par exemple, que ce type de consultation, la façon dont elle était organisée, donnait un poids gigantesque à des associations en général très conservatrices dont les opinions étaient surreprésentées parce que très mobilisées. Il y a probablement un biais là-dessus aussi, c'est-à-dire que les gens qui se trouvent très concernés sur ces questions vont aller probablement plus s'exprimer sur ces questions et donc peut-être que ça ne prend pas très très bien le pouls de la société. Je pense que ça pose la question de l'éthique en France. C'est mon point de vue. Est-ce qu'il n'y a pas un biais, un biais de prosélytisme, c'est-à-dire que les gens sont concernés, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, vont aller plus surexprimer la question et que le le citoyen plus lambda, on va dire, pas d'offense. Qui n'avait pas d'avis sur la question au départ, en fait. On n'a pas d'avis sur la question, on ne va pas forcément aller sur le site pour rencontre, pour discuter de ces sujets, donner son avis. Peut-être qu'il y a un biais. Oui, j'ai l'impression que, enfin, pour avoir lu quelques comptes rendus dans la presse, que ces réunions étaient un petit peu trustées, monopolisées par des gens plus organisés, avec des avis très tranchés, et que la personne qui arrivait sans avis au préalable et qui voulait discuter de ça ne pouvait pas avoir la parole, ne pouvait pas s'exprimer. Et ce qui pose la question aussi de savoir s'il est important ou intéressant ou légitime de donner la parole ou de consulter les citoyens ordinaires, entre guillemets, sur des questions de bioéthique, si ces questions-là ne doivent pas être débattues. Moi, je ne pose pas cette question-là. Je pose la question de la méthode scientifique. Je pose la question de la méthode pour utiliser l'éthique comme un outil qui permet à la société de prendre conscience que la science est un peu partout dans sa vie et de s'en informer et d'avoir un avis. Donc, c'est vraiment ça. Comment on utilise l'outil éthique. Il en ressort qu'il y a quand même un grand manque d'informations et que la formation des gens et des professionnels est hyper importante. C'est ce qui ressort quasiment dans tous les sujets, c'est qu'il y a de l'information qui doit circuler. Et cette information, elle ne circule pas très bien, apparemment. La méthode scientifique, Nicolas Martin. The sperm is gone. The sperm is gone, babe. Oh, the sperm is gone. It's gone away from me. Pussy that got big, and you keep saying it's me. My strength is gone. My strength is gone, babe. Oh, my strength is gone. My strength is gone, babe. Et oui, The Sperm is Gone de Blowfly à 16h38 sur France Culture. Le sperme s'en est allé puisqu'il va être question d'un vieux serpent de mer, si vous m'autorisez l'image, de l'histoire de la contraception. On va essayer de pas faire trop de jeux de mots graveleux là-dessus. La contraception masculine, en tout cas la société patriarcale à la vie longue, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment d'emballement pharmacologique autour de ces questions, mais malgré tout, des recherches sont en train d'aboutir, Caroline Tourbe. Oui, on parle de la pilule contraceptive pour hommes. Parce que des moyens de contraception, les hommes, ils peuvent en avoir, ils peuvent en utiliser. On a évidemment le retrait, on a le préservatif. Alors, l'idée, ce serait d'avoir... ça ne fonctionne pas forcément, pas parfait. Ce qui fonctionne très très bien pour la contraception, c'est la pilule contraceptive pour les femmes. Donc là, l'idée, c'est de trouver un moyen de donner aux hommes une petite pilule et qui permettrait qu'ils ne puissent pas faire de bébé. C'est tout simple. En fait, c'est très compliqué. La recherche, c'est vraiment, vous disiez serpent de mer, c'est le bon mot, sans jeu de mots. Depuis les années 70, peut-être même encore un peu avant, à Science et Vie, par exemple, on a eu des... Quand on regarde un peu dans nos archives, on voit que régulièrement, il y a eu des pistes. Mais là, on a décidé de repartir sur le sujet parce que, notamment, il y a une piste originale qui a été proposée par une équipe de chercheurs australiens. Cette fois-ci, on n'est pas sur une pilule contraceptive masculine hormonale. On est sur une pilule qui ne ferait pas en sorte que les spermatozoïdes ne soient pas produits ou pas maturés, mais les empêcherait de sortir du tuyau, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. L'idée, c'est de cibler les contractions qui permettent d'avoir l'éjaculation. Donc précisément, il y a deux protéines qui ont été repérées dans la zone qui entoure l'urètre. Si je dis pas de bêtises, non, c'est pas l'urètre. Si, c'est un supernique. Et en tout cas, dans cette zone-là, on a trouvé que deux protéines pouvaient être ciblées. Et une des deux protéines pourrait être ciblée par un médicament déjà utilisé chez l'homme dans un traitement de trouble de la prostate. Donc cette équipe-là, pour l'instant, elle travaille sur le modèle animal. Mais elle a reçu des fonds Et ça, c'est la bonne nouvelle aussi, c'est que avec cet argent-là, elle va pouvoir continuer, parce que vous le soulignez, l'investissement, en fait, c'est quelque chose qui a, il y a eu des fonds de recherche qui ont été financés par des laboratoires privés, des laboratoires pharmaceutiques. Et puis, ça a été abandonné, pas tellement pour des raisons scientifiques, quand même. C'est beaucoup plus pour des raisons sociétales. L'idée que la contraception, c'est quand même une histoire de nana. Non, mais bien sûr. Et que par ailleurs, derrière, on imagine que les profits à la clé ne sont pas énormes parce que... Les hommes ne le prendraient pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché. Alors, il y a un élément qui est peut-être intéressant, d'ailleurs, puisqu'on parlait loi de bioéthique, test génétique. Il y a quelque chose qui change aussi, peut-être un peu dans l'esprit des hommes. C'est qu'avant, ma foi, on ne pouvait pas les retrouver. En tout cas, c'était difficile de les retrouver. Maintenant, les choses changent. Est-ce que ça, ça peut faire changer l'état d'esprit? Clairement, je suis passée par là et je n'y suis plus. Ciao. Maintenant, si on fait des tests génétiques, on peut retrouver. Donc, est-ce que, je ne sais pas. Je m'interrogeais sur ce point-là. Oui, c'est intéressant. Par ailleurs, il y a une autre piste, parce que la piste que vous évoquez, effectivement, qui est assez saisissante, parce que c'est une piste non hormonale. Donc, qui dit non hormonale dit évidemment avec des effets secondaires nettement moindres. Oui, parce que il y a néanmoins une autre étude de l'université de Washington cette fois-ci, de l'équipe de Stephanie Page, qui propose une pilule expérimentale qui a des résultats très intéressants. Oui, alors ça c'est la piste plus classique, mais dont on a décidé de parler en effet parce que la piste hormonale, elle a été poursuivie. En fait, il existe déjà une pilule contraceptive pour hommes. Je vous le dis, si vous la voulez, c'est possible, sauf que c'est pas une pilule, c'est une injection, c'est massif, et elle est très efficace. En tout cas, il y a eu des tests qui ont montré en 2016, notamment, avec un suivi long de d'hommes qui ont reçu ces injections, qu'elle a une efficacité de 96%, donc 99% pour la pilule, 96% pour ces injections hormonales, donc c'est pas 99% mal. 99% pour la pilule féminine. Pour la pilule féminine, pardon, oui. Le problème, c'est qu'il y a des effets secondaires carabinés. Alors, il y a notamment des modifications de la libido, qui peuvent être ou un excès de libido, au contraire, une diminution drastique, des problèmes dermatologiques. Des acnés sévères chez une patiente sur deux. Et puis aussi des problèmes de troubles de l'humeur. Bref, il y a des effets secondaires qui sont carabinés, ça c'est le premier problème de ces injections. Le deuxième, c'est que ça met un bon moment avant d'être efficace. Plusieurs longs mois, 6 mois environ avant d'être efficace. C'est normal puisque ça s'attaque à la source du problème, ou à la source en fait, de la fertilité, qui est la fabrication des spermatozoïdes. Et puis c'est efficace pendant très longtemps. Donc en gros, on se prend une injection à un moment, à un instant T, c'est pas efficace tout de suite. Et puis pendant très longtemps, on n'est pas fertile. Donc il y a quand même une possibilité de retour en arrière. Hein. Ça, c'est vérifié aussi. Là, ce que fait l'étude des chercheurs de Washington, c'est de proposer des hormones de synthèse, une façon de synthétiser des hormones différentes, qui permet d'avoir vraiment la forme pilule. On avalerait jour après jour, les hommes avaleraient jour après jour leur pilule, l'efficacité serait plus rapide et les effets secondaires, puisqu'on n'aurait pas l'effet massif, seraient beaucoup moindres. Donc là, c'est une étude de phase 1. Et en étude de phase 1, ils ont suivi des patients, un groupe de patients, pas énorme, mais en tout cas pendant un mois, et les effets secondaires étaient vraiment mineurs par rapport à ce qu'on peut avoir avec les injections. Donc il y a ces deux pistes-là, et c'est vrai que c'est quand même nouveau. Ça faisait vraiment un moment qu'on n'avait plus entendu, plus de signes de vie de la pilule de contraceptif pour hommes. On a le sentiment aussi, quand on lit le papier de Sciences et Vie et ses études, qu'on est drôlement soucieux de ses effets secondaires, qu'on l'a pas été autant pour la pilule contraceptive féminine, parce que les pilules qui étaient... Non, on n'est pas drôlement soucieux, ils sont carabinés. C'est-à-dire que pour la pilule... Pour les injections, certes. Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas été sur les pilules qui étaient les premières pilules très très dosées, elles avaient des effets secondaires costauds quand même. Avant d'en arriver à les pilules microdosées, mini-dosées, les premières pilules avaient des effets secondaires un peu... C'est difficile de comparer, de toute façon c'est difficile de comparer ce qui va avoir été commercialisé, qui est allé jusqu'au bout. On a vraiment un recul. Le problème là sur les pilules masculines, c'est plutôt que le faible investissement qu'il y a pu avoir fait qu'on ne peut pas savoir jusqu'au bout quelle est la puissance des effets indésirables. Pour l'instant, on a l'impression qu'ils sont très très forts et au point de ne pas pouvoir être proposés, commercialisés. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne les prendrait. Non. François ? Moi, de ce que j'avais lu, il y a quand même, dans les effets secondaires par exemple, il y a 30% de gynécomastie. Donc le gynécomastie, c'est les seins qui poussent, quoi. Avoir une augmentation de son bonnet quand on est une femme, je ne pense pas que ce soit extrêmement gênant. Avoir les seins qui poussent quand on est un homme, par exemple, dans 30% des cas, c'est-à-dire un patient sur trois, ça peut devenir gênant. Alors ensuite, il y a des effets secondaires de la pilule contraceptive féminine. Je ne suis pas du tout là pour dire le contraire. C'est effectivement, mais comme vous le signifiez, il faut les mettre en balance par rapport... ils sont peut-être moins fréquents. Bénéfices et risques, quoi, en fait. Ils sont peut-être moins fréquents. Bénéfices et volonté d'adopter ce traitement. Je faisais ce constat parce que on parle justement le fait que que la fertilité ne revienne que tardivement après l'interruption de la prise de la pilule. C'est aussi le cas de la pilule contraceptive féminine. Pour des femmes qui ont pris la pilule pendant des années qui s'interrompent, la fertilité ne revient pas immédiatement en claquant des doigts le mois suivant. Sauf que là, vous me posez une colle parce que je ne sais pas le nombre de mois où... Alors là, pour c'est la pilule masculine, variable. C'était 14 mois. En tout cas, ça a été étudié comme étant 14 mois. Pour l'injection, pardon. Pour les femmes, ouais. Disons que si on prend d'un point de vue purement théorique, en théorie, si on arrête la pilule contraceptive féminine, je parle vraiment en théorie, hein, elle peut reprendre complètement... Le cycle peut se reprendre normalement derrière. Ensuite, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une espèce d'inertie du cycle hormonal. Ce qu'il faut voir, en fait, la grande différence au niveau hormonal entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes, comme beaucoup plus souvent que les hommes, sont plus subtiles. Et donc, on peut jouer sur plus de leviers à des doses beaucoup plus fines. Ça permet des actions beaucoup plus ciblées, alors que pour l'homme, il faut arrêter la spermatogénèse. Elle dure 74 jours et il faut l'arrêter pendant au moins 74 jours avant que ce soit efficace. Alors que la pilule contraceptive féminine, une fois, vous pouvez bloquer directement le cycle dès le premier truc. C'est plus subtil. Voilà, plus subtil. Gros bourrin, plus subtil. Et voilà comment le dimorphisme est résumé par François Morel en deux mots. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h46, le dernier dossier de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche, c'est un dossier où on reste, vous allez voir, un peu dans une sorte de champ lexical commun avec trois paires de fesses en une de la recherche du mois de juin. Et cette question, alors pour le coup ça n'a pas trait à la reproduction ou à la fertilité, une autre question tout aussi captivante, comment l'homme et la femme donc continuent-ils d'évoluer? Un dossier qui reprend certains exemples dont nous avions parlé ici même avec Léo Grasset, le peuple Bajot et ses incroyables aptitudes d'apnéistes qui ont été sélectionnés au fil des ans, que l'histoire évolutive de nos différents organes. On parle également de cette question qui nous taraude tous et dans 5000, 50 000, 500 000 ans, 5 millions d'années, si nous sommes encore là, ce qui n'est pas gagné, à quoi ressemblerons-nous? C'est un vaste dossier donc dans la recherche sur l'évolution encore en cours, Mathias Germain. Oui, tout à fait, et même si on arrive encore à se reproduire, hein, parce qu'on vient de parler de la pilule contraceptive pour les hommes, pour les femmes, mais on voit que les conditions environnementales de dégradement, nos modes de vie, touchent à notre fertilité. Evelyne Heyer, que j'ai interviewée pour ce dossier, me racontait qu'apparemment au Danemark, il y avait des études qui montraient une baisse de 30% de la fertilité chez les hommes. Alors, les phénomènes ne sont pas toujours très bien expliqués. On parle, entre guillemets, de causes environnementales. Peut-être les perturbateurs endocriniens. On avait consacré une émission justement à ces questions liées à la baisse de la fertilité. On va vous mettre le lien sur le fil. Exactement. Ouais. Donc, en tout cas, dans ce dossier, oui, c'est vrai, on a voulu tout simplement se rappeler au grand public que l'évolution était toujours en cours, même si on avait un petit peu le sentiment, grâce aux progrès techniques, grâce aux progrès médicaux, que finalement l'homme était, il changeait pas beaucoup, on résistait aux maladies et que la pression, on échappait un petit peu aux pressions de sélection. Eh bien non, tout simplement pour une raison déjà, génétique, biologique, toute simple. Quand on se reproduit, il y a des mutations qui ont lieu, c'est-à-dire que mes enfants n'ont pas le même génome que moi, et donc forcément ils ont peut-être un petit plus ou un petit moins, on ne sait pas. Mais il y a des effets très très très légers. On compte, je crois, à peu près 70 ou une centaine de mutations, je crois, entre les générations. Donc il y a un mouvement qui est là, qui continue. Le problème, c'est qu'effectivement, pour qu'une mutation soit sélectionnée, s'installe dans une population, maintenant nous sommes presque 7 milliards, nous sommes un groupe immense, donc ça prend énormément de temps. Donc en fait, on évolue, mais d'une manière très très lente. Alors après, il y a des phénomènes un petit peu plus... j'allais dire extraordinaire, mais qui se sont passés, parce que pour analyser ça, évidemment, on est obligé de regarder en fait dans le rétroviseur. Aujourd'hui, les scientifiques sont pas capables de dire, sont pas des devins. Mm-hmm. Et donc, vous rappeliez l'exemple des Bajots. Il y a eu effectivement cette année une belle étude qui a été faite sur ce peuple de nomades, de pêcheurs qu'on retrouve donc sur les côtes de l'Indonésie, près des îles des Célèbes, et qui ont cette capacité assez extraordinaire. Là, c'est vrai, il fait chaud dans le studio, on a tous envie d'aller nager. Et bien, ils sont capables de plonger très longtemps, près de plus de 10 minutes, et ça des durées, pendant la journée, plusieurs fois, très longtemps. Et l'étude scientifique, donc c'est une chercheuse américaine dans le cadre d'une équipe danoise, c'est l'équipe de Rasmus Thielsen qui s'est un peu spécialisée sur ces phénomènes-là. Et elle a montré, en fait, donc en faisant des prélèvements génétiques auprès de ces populations, la population Bajo et aussi une population, elle, plus agricole, qui était située à côté, pour essayer d'analyser s'il y avait des différences. Et effectivement, ils ont remarqué que donc chez les Bajo, il y avait plusieurs mutations génétiques, et notamment une, entre autres, qui concernait, qui avait un lien, en tout cas, avec la taille de la rate. Et alors pourquoi la rate avec la plongée? C'est vrai qu'au départ, moi j'ai appris ça en lisant cet article, c'est que là, quand on plonge, il y a un réflexe automatique qui se produit, notamment au niveau de la rate, qui les muscles lisses qui entourent cet organe en fait se contractent et ça libère une certaine réserve de sang qui était au sein de cet organe et du sang est oxygéné. Donc du coup, ça donne un petit réservoir supplémentaire de globules rouges porteurs d'oxygène, ce qui est évidemment très intéressant quand on veut plonger. Et c'est le même phénomène d'ailleurs pour les mammifères marins, finalement les baleines, etc. Sauf que elles ont la chance parfois d'avoir une rate beaucoup plus grosse d'en avoir plusieurs. Donc voilà, donc les Bajo et cette sélection-là s'est faite évidemment, donc cette mutation génétique s'est installée au sein de ces populations du fait de leur mode de vie, du fait de qu'ils aient besoin, qu'ils se nourrissent de la pêche. Et évidemment, ça s'est fait sur plusieurs dizaines de milliers d'années. Voilà, donc il y a évidemment plein d'autres exemples. Il y a un exemple intéressant, surtout, moi j'aime bien l'exemple des pygmées qui montrent que la sélection de la petite taille pour s'adapter à la vie dans la jungle s'est produite de deux manières différentes sur deux types de populations qui se sont séparées. Exactement. Ça, c'est assez intéressant. C'est intéressant parce que ça montre que finalement l'évolution bégaye, mais ça on le voit dès qu'on fait l'évolution. Il y a des scénarios différents souvent, pour arriver à la même chose. Tout à fait. Donc ça c'est Alain Froment notamment qui a participé à cette étude, il me racontait qu'en fait donc une population pygmée plutôt d'Afrique équatoriale de l'Ouest, les Baka, eux ce qui se produit c'est que en fait leurs enfants naissent donc selon les standards internationaux, c'est-à-dire comme des petits enfants européens, ils ont à peu près la même taille, sauf que vers l'âge de 2 ans, tout à coup la croissance se ralentit. Alors là, ils n'ont pas encore ils ont pas décrypté les mécanismes en cours, mais la croissance se ralentit pour faire en sorte que finalement l'individu soit adapté à la vie dans la forêt équatoriale. Et puis autre population pygmée plutôt située du côté de la partie est de l'Afrique, et là c'est le phénomène, enfin c'est un autre phénomène, c'est-à-dire que les enfants naissent déjà avec une toute petite taille. Donc c'est un autre mécanisme qui est en cours, qui a lieu, mais on arrive au même résultat. Ces peuples, ces personnes sont adaptées pour vivre donc dans la jungle de la forêt équatoriale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc évidemment on se pose la question de savoir comment, puisque l'évolution, même si on ne la constate plus parce qu'elle est trop lente, mais elle se poursuit. Or on sait que l'un des moteurs de l'évolution, c'est la pression de sélection sur des populations qui sont isolées et qui vont se spécialiser. Or aujourd'hui, compte tenu de nos modes de vie, de l'interconnexion, de la globalisation, bah finalement il y a de moins en moins de pression de sélection. Donc est-ce qu'il y en a encore une, ou est-ce que cette globalisation et cette non-isolation, la fin de cette isolation a une influence finalement? Si, finalement c'est ce que explique Evelyne Heyer, qui s'intéresse beaucoup en fait aux phénomènes culturels. Nos modes de vie ont un impact. C'est pour ça que finalement je reviens au premier dossier sur les lois de bioéthique, mais ça concerne finalement l'organisation de nos sociétés, la manière dont on veut vivre, ça a un impact. Elle montre tout simplement quelque chose de très naturel. Ce sont les mariages, les modes d'organisation des mariages. Est-ce que on se marie plutôt avec des gens qui parlent la même langue ou non? Est-ce que c'est plutôt l'épouse qui vient, qui intègre le village, la population du mari, ou l'inverse? Est-ce que c'est le mari? Tout ça, ça a des conséquences en fait, et ça permet aussi un brassage génétique qui là aussi a lieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a un phénomène de mondialisation très fort, et c'est ce que soulignait Vinayer au fond, qui est un mélange, ce n'est pas du tout nouveau, ça c'est depuis depuis qu'Homo sapiens c'est là, mais aujourd'hui effectivement il y a de moins en moins de populations isolées au fond. Et du coup, cet isolement qui pouvait peut-être permettre la fixation d'une mutation particulière, etc., là, aurait peut-être moins lieu. Enfin, On partage tous allègrement nos gènes, mais c'est pas la première fois, puisque on a déjà partagé nos gènes avec Néandertal, d'ailleurs, qui nous a apporté une grande partie de notre immunité, Néandertal. C'est ce que vous expliquez dans le dossier, c'est assez passionnant. On arrive vers la fin de cette émission. Peut-être on fait un dernier petit tour de table. Est-ce qu'il y a d'autres actualités scientifiques que vous avez vues? voilà, ou que vous voulez signaler, des choses à suivre, des choses passées. Caroline. Oui, je suis allée tester l'espace réalité virtuelle de la Cité des Sciences, qui vient pas d'ouvrir, hein, mais je l'ai testé et je trouve, c'est pas le premier que je teste, je trouve qu'il est très intéressant, notamment le dernier atelier, je n'ai plus le nom exact, mais qui permet vraiment de tester des jeux, tester des casques qui sont extrêmement avancés, c'est impressionnant. L'espace de réalité. Ça l'est toujours, la réalité virtuelle l'est de plus en plus, et elle l'est de plus en plus. L'accessibilité de la réalité virtuelle de bon niveau est quelque chose qui est assez sidérant à voir. Ouais. On va vous mettre un lien vers la Cité des Sciences, vers cet espace de réalité virtuelle. François. Non. Vous passez votre tour. Vous avez été séché par les 196 pages du rapport de la bioéthique. Mathias, Juste un petit mot pour dire qu'il y a un congrès intéressant justement sur l'évolution Homo Futurus qui aura lieu à Nice les 28 et 29 juin. Je pense qu'il y aura des choses intéressantes. C'est organisé par Alain Froment. Et puis, de mon côté, une expérience scientifique qui j'ai envie de suivre là, c'est une équipe chinoise qui a réussi à transformer une cellule en un autre type, une cellule différenciée en un autre type de cellule différenciée. En fait, il s'agit d'un astrocyte en un neurone sans passer par la case pluripotence. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire sans la faire régresser. Exactement. Donc c'est assez intriguant à suivre. Il faut regarder exactement comment ça se passe, quels sont les mécanismes en jeu, mais je trouve ça vraiment assez étonnant. C'est une publication qui date de quand, ça ? Alors en fait, c'est encore dans BioArchive, donc d'accord. C'est pas encore sorti. Voilà, on est entré en contact avec cette équipe pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Ça rejoint un petit peu ce qu'on connaît, c'est-à-dire on met un cocktail de gènes dans ces cellules pour faire en sorte qu'elles se transforment. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, on ne passe pas par cette étape donc de cellules dites pluripotentes. Mm-hmm. Apparemment, ce type de travaux, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'il y a des équipes qui cherchent là-dessus, qui travaillent. Là, ça a été fait donc, chez la souris, ça reste un modèle animal, c'est de la science très fondamentale, mais c'est intriguant. Vous avez vu passer ça, Caroline ? Oui, je l'ai vu passer. En effet, c'est intriguant. Alors, c'est le problème de la non-publication qui... Donc, c'est pas passé par... Par les comités de lecture. Voilà, remarquez, il peut aussi y avoir des problèmes dans les comités de lecture. On en a suffisamment parlé aussi. Mais c'est super intriguant, moi, je suis d'accord, c'est super intriguant. François ? C'est vraiment très intriguant, réussir à passer, faire un saut de lignée sans passer par la racine, c'est très surprenant. Ouais. Ça mérite d'être exploré. Exactement. Bon, on va essayer de suivre ça. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, la recherche, comment l'homme va évoluer, c'est le numéro du mois de juin, un dossier complet dont vous venez d'avoir un aperçu, Caroline, dans une de Science et Vie. Eh bien, la vie extraterrestre, parce qu'on sait où chercher. On s'est amusé à faire à l'intérieur une carte de toutes les exoplanètes qu'on trouve, mais surtout on a fait la deuxième carte, celle de là où il faudrait vraiment regarder. On va voir si on va trouver des petits hommes verts en regardant la lunette. François, une toute nouvelle vidéo justement de Primum Non Nocere qui vient de sortir aujourd'hui. À 18h. À 18h, alors c'est sur quoi ? Les vaccins. J'aime les sujets polémiques. Après, on ne reviendra pas sur l'homéopathie. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. On vous met le lien vers votre chaîne YouTube. Merci Mathias Germain, merci Caroline Tourbe, merci François Morel, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Sarah Higemans, Céline Lozen, Nomina Gué de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Élise Le aujourd'hui à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant, c'est le magazine de la rédaction Arménie, une révolution pacifique, un magazine préparé par Marie-Pierre Véro. Tout à l'heure, comme tous les vendredis, c'est le club du grain à moudre en direct du Bel Air à la Maison de la Radio, où se joue la bataille des idées. Et pour ce qui nous concerne, eh bien, la semaine prochaine, lundi, nous allons parler des AVC. Mardi, on parlera des pôles magnétiques. Mercredi, nous parlerons de cyberespionnage. Jeudi, il sera question d'Aristote, le père de toutes les sciences. Et vendredi, ce sera une émission spéciale sport, pardon, à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Nous parlerons performance physique et données statistiques, le foot 2.0. Demain à 16h, c'est comme tous les samedis, le camarade Étienne Klein, la conversation scientifique. Que fait-on lorsque l'on pense, avec Joël Proust. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.